L'héritage des prophètes, par notre frère Abu Omar el-Kuwaiti, rahimahullah, qu'Allah l'accepte martyr. La louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui. Et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son esclave et messager. Ô vous les croyants, craignez Allah à sa juste valeur, et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ô vous les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, puis qui en a créé la compagne, et qui a propagé beaucoup d'hommes et de femmes à partir de ce couple. Et craignez Allah par lequel vous vous suppliez les uns les autres, ainsi que le lien de parenté. Certes, Allah est témoin de vos actions. Ô vous les croyants, craignez Allah et dites de droites paroles. Il rectifiera vos actions et pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a très certainement remporté une immense victoire. Amma ba'd, en outre. Il s'agit de trois recueils qui expliquent le sujet de Tawhid et la mise en garde contre l'association al-Shirk actuelle sous ses différents aspects. Nous mettons ceci à la disposition de celui qui cherche la science, la vérité, celui qui désire préserver sa religion et sa base de nos jours, durant lequel sont apparus quelques aspects de l'association qui échappent à beaucoup de gens, excepté à ceux qu'Allah a préservé et couvert de sa miséricorde. Nous avons en effet expliqué ces sujets en détail dans les recueils indépendants appelés « Chaînes de l'héritage des prophètes ». La chose la plus importante dont les différentes communautés ont hérité des prophètes est « At-Tawhid ». Allah Ta'ala dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous du tarot. Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé en héritage de l'argent, cependant, ils ont laissé la science comme héritage. Quiconque la saisit s'attribue un grand profit. La plus importante des sciences est la science de At-Tawhid, pour laquelle Allah a créé ses serviteurs. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et vos lieux de repos dans l'au-delà. La plus importante chose à connaître dans la connaissance de l'attestation, la ilaha illallah, qui englobe Tawhid, sont ses conditions, ses piliers, ses annulants et ce qu'elle implique, ainsi que ses fondements et ses règles. Ceci sera le sujet du premier recueil de cette chaîne. Pour ce qui est du deuxième recueil, celui-ci explique que celui qui se fait juger par At-Tarut ne l'a en fait pas renier. Ce qui est visé ici, c'est celui qui se fait juger par At-Tarut et non pas celui qui juge avec At-Tarut. Il s'agit en fait de ceux qui se réfèrent à At-Tarut afin de régler leur litige. Malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours prennent pour juge At-Tarut pour une poignée d'argent ou un statut ou pour d'autres fins. Ces gens-là ne savent pas qu'il est interdit de s'absenter lors de Jihad, et ce dans le but de préserver 8 choses citées par Allah dans le verset suivant. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 9, verset 24. Une question s'impose. Celui qui délaisse At-Tawhid et associe à Allah afin de préserver ses 8 choses, est-il pire que celui qui délaisse Al-Jihad pour ses 8 mêmes choses? La réponse est oui, sans le moindre doute. Quiconque délaisse At-Tawhid est pire que celui qui délaisse le Jihad. Si Allah n'excuse pas l'absentéisme du Jihad pour ses 8 raisons, comment peut-il excuser celui qui délaisse At-Tawhid pour ces mêmes raisons? Allah n'excuse pas la parole de mécréance, excepté pour les personnes se trouvant sous la contrainte. Une personne est considérée étant sous la contrainte lorsque celle-ci se trouve dans le même cas que le compagnon Ammar ibn Yasser, radiyallahu anhu. Ceci est une dispense, mais ne pas la prendre est meilleur comme on peut le voir dans beaucoup de hadiths. Le shir Hamad ibn Atiq rahimahullah a commenté le verset précédent dans son pamphlet. Allah a interdit de prendre pour allié son père et son frère, les personnes les plus proches, s'ils sont mécréants. Il a montré que celui qui prend pour allié son père et son frère mécréant, celui-ci est injuste. Alors que dire de celui qui prend pour allié des mécréants qui sont ses ennemis, ainsi que les ennemis de ses parents et de sa religion? Celui-ci ne peut-il pas être qu'un injuste? Par Allah, il ne peut être que le plus injuste des injustes. Allah a montré que cela ne peut pas être une excuse pour s'allier aux mécréants. Personne n'a le droit de s'allier aux mécréants par peur de perdre ses parents, ses frères, sa terre, son argent, sa famille, ses épouses. En effet, Allah n'a laissé aucune excuse concernant ceci. Si on proclame que de nombreux savants ont dit que ce verset a été révélé concernant el-jihad, la réponse est 1. Si les 8 prétextes cités ne sont pas une excuse pour délaisser el-jihad, qui est une obligation, alors celles-ci ne seront dans aucun cas une excuse au délaissement de at-tawhid. 2. Le verset vise aussi at-tawhid, car Allah a dit « Vous sont plus chers qu'Allah, son messager ». Donc l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam oblige à l'inimitié des associateurs et leur séparation. Et cet amour devance les 8 prétextes cités dans ce verset. Concernant le 3e recueil de cette chaîne, l'héritage des prophètes, celui-ci répond à ceux qui ont permis la participation dans les parlements et les assemblées législatives. Il montre aussi que le candidat et l'électeur sont dans la grande association. Nous demandons à Allah, par ses noms et ses attributs, de nous protéger du shirk et de tomber dans la fitna, et qu'il nous accorde la droiture dans la croyance, la parole et l'acte, et qu'il nous protège de tomber dans le kufr et les dérapages. Prière et salut sur notre prophète, sa famille et ses compagnons. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sache mon frère qu'Allah nous fasse et te fasse miséricorde que At-Tawhid est la raison pour laquelle Allah a créé les humains et les djinns. Allah a dit et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire afin de le rendre unique, l'adorer seul, et cela est le sens de l'attestation La ilaha illallah. C'est la raison pour laquelle tous les messagers ont été envoyés. Allah a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. L'adoration exclusive d'Allah est la plus grande raison pour laquelle Allah créa la créature, les cieux et la terre, et pour laquelle il envoya les messagers, et fit descendre les livres. C'est pour cette raison que les gens se sont divisés entre musulmans et mécréants, associateurs. C'est lui qui vous a créé parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. C'est aussi pour cette raison qu'Allah a ordonné le jihad, afin que sa parole soit la plus haute et celle des mécréants la plus basse. Il est nécessaire de connaître cette importante parole et fondation ainsi que sa signification et son implication. Il ne doit pas être ignorant et ne doit pas s'en détourner, car ceci ne peut pas être une excuse pour que la personne reste sur son islam, comme nous allons le démontrer bientôt. Allah a fait descendre la preuve en envoyant les messagers. Donc celui qui a reçu le message a reçu la preuve. Allah a dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voix, vous et tout ce qu'il atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dit, je n'atteste pas. Dit, aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Les messagers sont les prophètes d'Allah qui reçoivent la révélation et qui sont envoyés avec les messagers de la part d'Allah pour les gens. Ils ne sont pas les savants qui doivent apporter la preuve à chaque personne. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: reconnaître avoir reçu le message fait partie de ce qu'implique la foi, qu'il obéit ou pas. Car la preuve est arrivée lors de l'envoi du messager ou la réception du livre et la possibilité d'accès à la preuve, qu'il sache ou qu'il soit ignorant. Quiconque est en mesure de connaître les obligations et les interdictions est considéré comme quelqu'un ayant reçu la preuve. Allah ne châtie personne qu'après qu'il reçoive la preuve. Allah a dit: quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: quoi? Ne vous est-il pas venu l'avertisseur? Ils dirent: mais si, un avertisseur nous était venu, certes. Mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement les cités dont les habitants sont des réformateurs. Elle dit aussi concernant les versets cités auparavant, ainsi que pour les versets suivants: ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Ceci prouve qu'il était injuste avant l'envoi des messagers. Ils n'ont été châtiés à cause de leur injustice qu'après avoir reçu le message. Ce verset de la sourate 6, verset 131, est une réponse aux deux groupes qui disent: l'injustice et le mal ne sont pris en compte qu'après le message. Ils vont être châtiés sans recevoir de preuves. La parole d'Allah rend vaine la parole de ces deux groupes, lorsqu'il dit: si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient: Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes versets et nous aurions été croyants. Allah nous a informé que leurs actes sont la raison pour laquelle ils ont été châtiés. Mais Allah ne les a châtiés qu'après l'envoi d'un messager, comme il a dit: en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Ou que vous disiez: si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, que nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Avant qu'une âme ne dise: malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs, ou qu'elle ne dise: si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux, ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment: ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. Et les versets tels que ceux-là sont nombreux dans le Coran. Ils montrent qu'ils ont reçu la preuve par la révélation du livre et l'envoi du messager. Allah a attiré leur attention parce qu'ils possèdent dans leur raison et leur essence, al-fitra, du bienfait de Tawhid, comme il a attiré leur attention sur le mal de l'association et la mécréance. Signification de Tawhid. Les significations de Tawhid et de la ilaha illallah chez les savants prennent diverses définitions. La définition la plus précise et la plus correcte est celle qui peut être la plus applicable dans l'actualité. Parmi les savants, il y a ceux qui ont défini At-Tawhid et le sens de la ilaha illallah comme étant: nul n'est digne d'être adoré que Allah. Il y en a d'autres qui l'ont défini par le reniement de At-Tarut et la croyance en Allah. Nul doute que la première définition est juste. Cependant, la deuxième définition est plus précise et plus complète, car l'associateur qui adore Allah et adore autre qu'Allah, alors qu'il est ignorant du sens de l'adoration, lorsqu'il lui est énoncé la première définition « nul n'est digne d'être adoré que Allah », celui-ci répond en disant « je fais partie de ceux qui n'adorent qu'Allah et je n'adore que lui ». Cependant, il ignore que l'immolation, l'offrande, at-tawaf, les tournées révérentielles, le jugement, la demande de secours et autres font partie de l'adoration. Il ignore aussi que vouer ses adorations à autre qu'Allah est de l'association. Mais si on lui définit le sens de la ilaha illallah en utilisant la deuxième définition, le rejet de At-Tarut et la croyance en Allah, il va se demander, qu'est-ce que At-Tarut, ces différentes formes, comment doit-on y croire? Il cherchera au sujet de ses sens afin de savoir et appliquer. Quiconque désire adorer Allah sans rien lui associer se doit de délaisser complètement l'association et les associés, les divinités, c'est-à-dire les tawarit, adorés avec Allah. Ensuite, il doit être croyant en Allah seul sans lui donner des associés. C'est pour cela que, par sa grande sagesse, Allah a devancé le reniement de At-Tarut à la croyance en lui. Et il a devancé aussi, dans l'attestation de foi, la négation à l'affirmation. Par cela, l'homme prend conscience du premier pilier de At-Tawahid qui est le reniement de At-Tarut, puis la croyance en Allah. Ainsi se concrétise At-Tawahid, d'autant plus que la deuxième définition est textuellement rapportée dans Al-Qur'an. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au rebelle At-Tarut, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Sourate 2, verset 256, dans la traduction relative et approchée. Comment mettre en application At-Tawahid à l'époque de l'association? Le sens de At-Tawahid disparaît progressivement à travers les époques pour différentes raisons. 1. Disparition progressive de la véritable langue arabe. 2. Disparition progressive de la véritable science islamique. 3. Suivi aveugle des pères et des ancêtres. 4. Suivi aveugle des moines, rabbins et savants qui cachent et déguisent la vérité, ceux qui vendent à vil prix la parole d'Allah. Lorsque l'on examine les versets et les hadiths, on trouve que ces quatre points sont les véritables raisons de l'égarement des peuples et des communautés. Malgré cela, Allah les a jugés mécréants. Allah a dit, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ou bien, leur avions-nous donné avant lui le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. C'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que les gens n'aient dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Les Juifs disent « Uzair est le fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est le fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. Sourate 9, verset 30-31. D'après l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, en ce qui concerne la parole d'Allah, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais waddan wa la suwa'an. Wala Yaroutha wa Ya'uqa wa Nasra. Sourate 71, verset 23. Il dit, les divinités du temps de Noah, alayhi salam, se sont retrouvées chez les Arabes. Wuddu était pour la tribu de Kelb. Al-Dummat. Al-Jandal, Suwa, était pour la tribu de Hudayl. Yarout était pour la tribu de Marad. Puis chez Bani Ratif. Au Sharf, près de Sabah. Et pour Ya'uq, elle était pour la tribu de Hamadan. Et Nisr était pour Hinyar, pour la famille de Dulkila. Ce sont les noms des gens pieux du peuple de Nuh, alayhi salam. Après leur mort, le diable leur enjoliva l'idée d'instaurer des statues auxquelles ils donnèrent les noms de ces gens pieux. Après la disparition de la science, ces monuments furent adorés. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son sahih que Abdullah ibn Omar, Ibn As, radiyallahu anhu, a dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah ne prend pas la science des gens en l'arrachant d'eux, mais il prend la science par la mort des savants jusqu'à ce que ne reste aucun savant. Les gens prennent à leur tête des ignorants à qui ils demandent. Ils font des fatwas sans science. Ils sont égarés et ont égaré. Cependant, il y a ceux qui se demandent comment les gens s'égarent alors qu'ils ont le livre d'Allah entre les mains.

Même s'il rentrait dans un trou de lézard, vous le feriez. Nous avons dit, qui, ô prophète d'Allah? Les juifs et les chrétiens? Il a répondu, qui d'autre? Rapporté par le Bukhari. Tous ces versets et hadiths prouvent la cause de l'égarement des peuples. Lorsque l'on reconnaît les quatre causes, on peut connaître le remède qui en est l'inverse. Dès que la véritable langue arabe a commencé à disparaître, les savants ont débuté l'établissement des règles de At-Tawhid. Ils ont mis en place ces conditions, ces piliers, ces annulants. L'arabe de l'ancienne époque connaissait le sens de la langue arabe, donc il savait le sens de la ilaha illallah, ses annulants et son implication. Lorsque la maîtrise de la langue arabe s'est affaiblie, les sens se sont affaiblis à leur tour. Il devient obligatoire de nos jours de connaître le véritable sens de la ilaha illallah, ses conditions, ses piliers et ses annulants. Et tout ceci sera expliqué dans le premier recueil de la chaîne « L'héritage des prophètes ». La signification de la religion. À vous votre religion et à moi ma religion. Sourate 109, verset 6. Toute théorie qui existe et qui peut exister, ne représentant pas le véritable sens de Arbubiya, Al-Uluhiya, constitue une religion autre qu'à la religion de l'islam. Même si les gens qui possèdent cette théorie ou qui la prêchent appliquent la plupart des ordonnances de l'islam, mais en falsifiant un ou plusieurs sens de Arbubiya, Al-Uluhiya, alors ceux-ci ont une croyance qui n'a rien à voir avec l'islam et ne tiennent sur rien. Lorsque les démocrates, ou même ceux qui s'attribuent à l'islam ou à son appel, se présentent comme candidats afin de devenir législateurs ayant le droit à la législation, droit n'appartenant qu'à Allah seul, eh bien ceux-là se sont pris pour des associés avec Allah et sont venus avec une religion autre que celle de l'islam, même s'ils appliquent une grande partie de l'islam, même s'ils font partie de ceux qui appellent à l'islam. Ils ont changé, transformé la religion d'Allah et ont apporté une nouvelle religion qui est la religion de la démocratie. Oui, on peut attribuer le titre de religion à la démocratie, car elle donne aux humains une particularité qui n'appartient qu'à Allah, c'est-à-dire légiférer. Toute religion fausse ou vaine s'appelle religion indéfinie. « À vous votre religion et à moi ma religion. » Sourate 109, verset 6. Cependant, la religion véritable est toujours définie soit par le terme « la religion pure » ou soit par le terme « la religion de la droiture » ou par un article qui définit le mot en langue arabe. Cet article est les lettres « Elif » et « Lem ». C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Sourate 39, verset 3. Telle est la religion droite, sourate 12, verset 40. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, sourate 3, verset 19. Et parmi les pensées et les religions les plus dangereuses sont celles qui comportent de la falsification dans les sens de Arwubiya et El-Uluhiya. On trouvera les gens portant l'habit de l'islam et prêchant l'islam ou ce qu'ils croient être l'islam. Et ce sont les plus dangereux, des falsificateurs, car la confusion est grande et immense. En ce qui concerne les religions en dehors de l'islam, où les gens ne se présentent pas musulmans, leur vérité est déjà connue et apparente pour tout le monde. Afin de connaître la véridicité de ces groupes, leur prétention à l'islam et leur prétention de prêcher l'islam, il faut connaître leur position par rapport aux théories d'association actuelles, telles que la participation dans les parlements et la permission de prendre pour juge les tawarites. Si ces personnes croient que leurs actes d'association sont sujets de divergence entre les musulmans ou ne donnent pas d'importance à ces sujets, sachant qu'ils prêchent l'association et ne sont pas sur l'islam. Milla des Hunafa et Milla des Soufaha. Milla se traduit par religion, voie. Hunafa se traduit par celui qui s'écarte de shirk et qui penche vers tawhid. Soufaha se traduit par faible d'esprit. Celui qui se penche profondément sur le sens des versets d'Allah trouvera que les faibles d'esprit, soufaha, sont ceux qui se sont égarés de At-Tawahid et ils ont imité les parents, grands-parents et leurs chefs. Ils ont donné des associés à Allah et se sont écartés de la milla de At-Tawahid vers la milla de Ash-Shirk et sont ainsi devenus des soufaha. Même s'ils sont civilisés, ils demeurent toutefois des faibles d'esprit, car ils n'ont pas appris la chose pour laquelle ils ont été créés. Allah a dit, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Sourate 30, verset 7. Ils font usage de leur cerveau dans toute chose, excepté celle pour laquelle Allah les a créés. Et cela les rend faibles d'esprit. Allah dit, « Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise ? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Et dans le-delà, il est certes du nombre des gens de bien. » Sourate 2, verset 130. Et quand on leur dit, « Croyez comme les gens ont cru », ils disent, « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Sourate 2, verset 13. Cependant, les Hunafa sont les Mouahidin, ceux qui ont appliqué At-Tawhid, pur, et se sont écartés de la Milla du Shirk, vers la Milla de At-Tawhid. Ibn Mandur, rahimahullah, a dit dans Lisan al-Arab, le sens de Al-Hanafiyyatu, veut dire dans la langue arabe « se pencher pour s'écarter ». Et le sens est que Ibrahim a.s. s'est penché vers la religion d'Allah. Zajjaj, rahimahullah, a dit « Al-Hanif, dans la Jahiliyya, c'est celui qui faisait le pèlerinage, les grandes ablutions et se circoncisait. Lorsque l'islam est arrivé, Al-Hanif est devenu le musulman. Il se prénommait ainsi pour son écartement du shirk. Alors le Hanif est celui qui s'écarte de ce dont les gens se sont habitués comme association et égarement. Le Hanif est celui qui est clairvoyant et intelligent même s'il ne connaît rien de la science de ce bas monde, car il a utilisé son cerveau dans le but de connaître At-Tawhid d'Allah et afin de l'appliquer. Donc il a atteint le but de son existence sur terre. C'est pour cela qu'Allah a qualifié son prophète Ibrahim alayhi salam al-Hanif, c'est-à-dire qu'il était à l'écart du shirk dont les gens étaient imprégnés à son époque. Allah a dit, Ibrahim était un guide, umma, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Sourate 16, verset 120-122. Allah nous a ordonné d'être sur sa milla. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Sourate 16, verset 123. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Ibrahim, homme de droiture. Et Allah avait pris Ibrahim pour ami privilégié. Sourate 4, verset 125. Si al-shirk est partout, nous devons être hunafa, à l'écart du shirk. Il ne leur a commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Allah dit, « Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui était point parmi les associateurs. Dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. » Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 30, verset 30. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah. Ne lui associez rien, car quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent se précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. L'islam entre son croissant et sa pleine lune. Celui qui observe bien les versets d'Allah trouvera que l'islam passe par deux étapes. Premièrement, l'apparition, la force, la maturité et la clarté. Deuxièmement, l'affaiblissement, la falsification et le changement, la propagation de l'association. L'époque d'Adam, alayhi salam, était comme un croissant de lune pour l'islam. At-Tawhid était clair, il n'y avait pas de mécréance. D'après l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles sur l'islam. À l'époque de Nuh, alayhi salam, Al-Shirk commença à se propager, la science à disparaître et l'adoration des gens pieux a commencé suite à la mauvaise interprétation des gens. Les gens pensaient que cela les rapprochait d'Allah. Allah envoya Nuh, alayhi salam, qui resta parmi eux 950 ans. Allah a dit, « Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. » Sourate 29, verset 14. Il a employé tous ses moyens pour les appeler à l'islam. Il dit, « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. » Sourate 71, verset 5. Mais malgré tout cela, peu de gens l'ont suivi. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes. Charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Sourate 11, verset 40. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans le Bidaya wa Nihaya, les savants ont divergé sur le nombre de personnes qui ont suivi Nuh alayhi salam. Ibn Abbas en a dénombré 80, alors que Ka'b al-Ahbar en a dénombré 72. D'autres ont dit 10 et d'autres 7. C'était une époque durant laquelle l'islam était inapparent, contrairement à l'époque de Adam alayhi salam. Allah a inondé le peuple de Nuh alayhi salam, ce qui a impliqué la disparition des associateurs, et il resta que les musulmans. L'islam est alors réapparu en force sur cette terre. Les générations se sont succédées entre apparition et disparition de l'islam jusqu'à l'époque de Ibrahim alayhi salam, où il n'y avait que l'association, à tel point que celui-ci dit à sa femme Sarah, « Oh Sarah, il n'y a de musulmans sur terre que toi et moi », rapporté par le Bukhari. Al-Kufr est réapparu une fois de plus jusqu'à ce que Ibrahim alayhi salam émigre à deux reprises. La première émigration se fit vers les montagnes de Jérusalem, où se trouvaient Sarah et son fils Ishaq, de laquelle est descendue une grande communauté des enfants de Yaqub alayhi salam, c'est-à-dire le peuple des Bani Israël. Une deuxième émigration se fit vers Mecca, où se trouvait Ismaïl alayhi salam. L'islam réapparut de nouveau dans ces deux lieux, et les gens le réacceptèrent jusqu'à l'arrivée de Ammar ibn Luhay. Il immola pour autre qu'Allah. Il changea le sens parmi les sens de l'Uluhiyya. La religion changea. À Jérusalem, l'islam était parfois apparent, parfois faible, en fonction de la nature des fils d'Israël, qui étaient aptes à l'islam comme à l'apostasie. Et tout ceci jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous laquelle une nouvelle période débuta, jusqu'à l'époque de Othman radiallahu anhu, durant laquelle l'islam était la religion des habitants des continents africains, asiatiques. L'islam était au summum de sa force, puis il devint étrange, comme à ses débuts. Donc il ne faut pas s'étonner lorsque l'on voit l'histoire recommencer, car la religion est la religion d'Allah, et tous ces changements sont de la part d'Allah afin d'éprouver ses serviteurs. Le musulman clairvoyant doit connaître cette vérité. Il ne doit pas se décourager ou s'angoisser lorsqu'il voit la mécréance dominer, car même certains prophètes, alayhim salati wa salam, ont vécu une époque. Car même certains prophètes, alayhim salati wa salam, ont vécu une époque similaire, tels Ibrahim, Nuh, Isa et autres. Et en eux, il y a un bon exemple à suivre. Allah a dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarés jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Le musulman n'est pas responsable des résultats. Son devoir est de posséder un tawhid pur. Appeler les gens à cela et être patient sur ce chemin. Allah a dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Les différentes sortes d'objets d'adoration. Beaucoup de gens pensent que l'association est d'avoir une statue chez soi et de se prosterner devant elle. C'est ainsi que les gens ont appris dans leurs écoles, et ce n'est pas cette forme-là qu'ils gardent de l'association. Si on trouve un homme faire at-tawaf, les tournées révérentielles, immoler pour un saint, ou se faire juger chez at-tarout, ceci n'est pas de l'association chez beaucoup de personnes, car cette forme d'association n'est pas celle présente dans leur esprit. Le résultat est que ces actes-ci ne sont pas pour eux des actes d'association. Mais l'association n'est que le fait de prendre une statue pour Seigneur. Afin d'effacer cette imagination qui est le fruit de leur ignorance, il faut connaître les différentes choses adorées avec Allah. Parmi celles-ci, on trouve la statue, l'idole, la divinité, le Seigneur. Définition de statue. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, d'objets sculptés, sous la forme d'un humain, animal ou autre. Définition d'idole. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, d'objets sculptés ou non sculptés, tels les arbres, roches, tombeaux, la constitution et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah fait en sorte que ma tombe ne soit pas un objet d'adoration. La colère d'Allah est immense envers un peuple qui prend les tombeaux de leurs prophètes comme objet d'adoration, rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. La statue sculptée est une idole car elle fait partie des objets adorés. Toute statue est une idole, mais toute idole n'est pas forcément une statue, car l'idole est une statue et autre objet pouvant être adoré en dehors d'Allah. Définition de divinité. Tout ce pour qui l'adoration propre à Allah est vouée, que ce soit un être vivant ou un objet sculpté ou non sculpté. Et la preuve de ceci, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Sourate 71, verset 23. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, il ne partient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Sourate 5, verset 116. Si l'être humain est adoré, il est nommé divinité, mais ne peut pas être considéré comme étant une statue ou une idole pour autant. Définition de Seigneur. Toute chose à qui on attribue un ou plusieurs actes qui sont propres à Allah. Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 9 verset 3. Définition de At-Ta'ut. Il englobe la totalité, à savoir la statue, la divinité, l'idole et le Seigneur, à l'exception du Seigneur et de la divinité attribuée à quelqu'un sans son accord, comme certains prophètes. En sachant tout cela, on découvre que l'association ne se limite pas uniquement à l'adoration de ces objets ou de ce qui leur ressemble, comme par exemple les membres d'un parlement qui sont des divinités, car ils ont pris l'attribut de législateur qui n'appartient qu'à Allah, ainsi que les juges qui jugent avec autre que la loi d'Allah. Ceux-là sont des tawarites et des divinités adorées sur terre, car ils jugent avec la loi de Ta'ut. L'association n'est pas seulement l'adoration des statues, mais elle peut prendre n'importe lequel des formes citées, et beaucoup d'exemples sont présents à cette époque.